Saddam Hussein, Tupac, ils veulent me battre comme Tupac. Saddam Hussein X Tupac. Who's bad, fils de pute, who's bad? J'souris devant l'ami à la Saddam Hussein. Tupac, ils veulent me battre comme Tupac. Saddam Hussein X Tupac. Merco Benzo, ouais, j'leur roule dessus comme Shug Knight. La raida vient de Stuttgart. Y'a des billets, y'a des billets, y'a de tout part. J'veux pas canner du haine comme Tupac. Deuxième album, on est en bombe, on les fait trembler. Tournée inter, CDG, j'passe par trembler. En classe affaire, rien à faire, j't'ai grâce couplée. Pas besoin de pub, tous les bookings sont déjà complets. Ouais, personne nous a permis le port. Mais si j'la sors, voilà, je tire. Bébé, surtout, ne les écoute pas. C'est que j'ai déjà sauvé des vies. Who's bad, fils de... Who's bad? J'souris devant l'ami à la Saddam Hussein. Tupac, ils veulent me battre comme Tupac. Saddam Hussein X Tupac. Who's bad, fils de pute, who's bad? J'souris devant l'ami à la Saddam Hussein. Tupac, ils veulent me battre comme Tupac. Saddam Hussein X Tupac. Ah, j't'aime à pas ses yeux, j't'aime à son boulard. Elle veut me faire des bites à poudlard. On va pas s'allumer pour des bobards. Va pas se déplacer pour des poucaves. J'ai récupéré tous les contacts. Quoi qu'on fasse, on sera les coupables. J'étais sans faf. Personne nous a permis le port. Mais si je la sors, voilà, je tire. Bébé, surtout, ne les écoute pas. C'est que j'ai déjà sauvé des vies. Who's bad, fils de... Who's bad? J'souris devant l'ami à la Saddam Hussein. Tupac, ils veulent me battre comme Tupac. Saddam Hussein X Tupac. Who's bad, fils de... Who's bad? J'souris devant l'ami à la Saddam Hussein. Tupac, ils veulent me battre comme Tupac. Saddam Hussein X Tupac. Sauvé, c'est qu'une histoire de love. Bah, ouais. Sauvé, c'est qu'une histoire de love. Bah, qui va nous sauver? C'est qu'une histoire de love. Bah, qui va nous sauver? C'est qu'une histoire de love. Ouais.